dit qu'elle aimerait changer d'air. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière. Elle me dit qu'elle voudrait voir la mer, d'autres pays, un bonheur ordinaire. Elle me dit qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Elle me dit c'est tout et ses colères, comme aujourd'hui là c'est de toucher terre. Même si notre histoire même à s'écrire, j'ai le scénario. Tout ce qu'il te faut. Elle me dit le pire est le meilleur, le bleu et le gris, mes poches vivent à toute heure. Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire même à s'écrire, j'ai le scénario. Tout ce qu'il te faut, même si notre histoire peine à s'écrire, j'ai le scénario. Oh, oh, oh. Même si l'on s'écarte dans l'intro, j'ai dû à tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait, toutes ces maladresses passer hier, d'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer.